Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un terrible thriller. Le psychiatre Cara Harding est spécialisé dans l'étude des tueurs en série. Son père, lui-même psychiatre de renom, lui soumet le cas étrange de David, patient atteint de schizophrénie. Cara découvre bientôt que les multiples personnalités de David sont toutes les victimes de meurtres sordides. Allô ? Est-ce que Adam est là ? Désolé, docteur Harding. Il n'y a que moi ici. J'aimerais que tu ailles le chercher. C'était quoi ça ? Ouais, c'est Adam. Le syndrome des personnalités multiples est une invention. Pourquoi Adam créerait une illusion ? Le vrai David Bamber est assassiné, traîné dans les bois, violé, torturé. Tu sais où tu es ? Non, madame. Tu n'as aucune raison de reconnaître cet endroit. David. Il arrive. Qui arrive ? Le démon. Qui vous a accordé votre doctorat ? La science. Dieu. Le silence des ombres, avec Jonathan Rhys Meyers et Julianne Moore, un DVD Wildside.